Écrire. Pas un temps dérobé, mais un temps pour le temps. Pour regagner d'un geste ce dépassement intime qui assure nos silences.